Vous êtes maintenant devant le temple protestant de Mel, un bâtiment qui témoigne d'une autre période de l'histoire religieuse de la ville. Le protestantisme apparaît en France au XVIe siècle, lors de la Réforme. Contrairement aux églises catholiques richement décorées, les temples protestants privilégient la sobriété et la simplicité. L'architecture que vous observez reflète cette volonté de mettre l'accent sur la parole et la lecture de la Bible plutôt que sur les ornements. La présence de ce temple montre que la ville a traversé de grandes évolutions religieuses et a su s'adapter aux changements au fil des siècles. Pour conclure votre magnifique balade, retournez maintenant vers l'office de tourisme, dernière étape de votre visite.